Chapitre 11. Le polymage est la colonne vertébrale de l'Empire, le grand océan du Sud, son pied. Les piratalines sont l'épine dans ce pied. Depuis des siècles, toutes les tentatives pour ôter cette épine ont échoué. Quelques rares dessinateurs ont réussi à accoster l'archipel. On ne les a jamais revus. Seigneur Sahil Muran, journal de bord. Quand Camille reprit connaissance, elle était étendue sur un lit confortable, dans une chambre doucement éclairée par la lumière qui filtrait au travers des rideaux tirés. Elle éternua en sentant une odeur âcre envahir ses narines. Le vieil homme penché sur elle se redressa lorsqu'elle ouvrit les yeux. Presque chauve, il portait une longue barbe blanche et ses yeux d'un bleu très clair brillaient d'intelligence. « Erwin ?» chuchota Camille. Le vieillard eut un rire qui fit ressortir l'éclat de ses dents. « Je suis vieux, » admit-il, « mais pas à ce point. »« Merci, Tui, » lança la voix d'Edwin. « Tu as été efficace, comme d'habitude. » Cette jeune fille était juste évanouie, rien de bien méchant puisque les sels ont suffi à la ranimer. Mais si par hasard il y avait un problème, n'hésite pas à me prévenir. Camille s'assit sur son lit. Ses amis étaient là en train de la contempler comme une miraculée. Jusqu'à Salim qui, muet pour une fois, la regardait avec des yeux ronds. La porte se referma derrière le guérisseur et Bjorn ne put se retenir davantage. Il poussa un cri de joie qui fit sursauter Maître Duhaume. « Espèce de sot !» ronchonna ce dernier. « Tu souhaites que je trépasse d'une attaque cardiaque ?» L'analyste tempéra sa diatribe d'un sourire à peine masqué, puis s'adressa à Camille avec une voix que l'impatience faisait chevroter. « Comment as-tu réussi cet exploit ?»« J'ai utilisé la sphère Tzlich, » expliqua-t-elle. « Je comprends maintenant pourquoi personne n'arrive à la toucher. C'est un bijou qui... »« Mais non !» l'interrompit Maître Duhaume. « Je ne te parle pas de la sphère Graf. Même si l'avoir employée comme tu l'as fait témoigne de ton intelligence, je veux savoir comment tu t'es débrouillé pour le dessin. »« Le dessin ?»« Oui, tu m'as bien entendu !» s'emporta-t-il. « Dessiner dans la citadelle est impossible. Je n'ai perçu aucune utilisation du pouvoir et tu as pourtant réussi à transformer le sabre de Holtz. Que s'est-il passé ?» Il y eut un silence. Camille hésitait à parler. Ce fut le regard inquisiteur de l'analyste qui la décida à se taire. Elle ignorait encore trop de choses sur ce qui s'était produit. Il lui fallait réfléchir, s'informer. Elle craignait que la curiosité de Maître Duhaume ne soit un obstacle à son enquête. « Je ne sais pas comment une telle chose a pu arriver, » mentit-elle. Le vieil analyste poussa un grognement dépité. Edwin prit la parole. « J'ai deux nouvelles, » annonça-t-il. Tu es resté évanoui suffisamment longtemps pour que la citadelle ait eu le temps de se calmer. Je peux donc t'annoncer que les frontaliers se rangent dans ton camp. Même les grincheux qui n'ont pas apprécié que le duel ne se déroule pas selon la tradition. Personne n'a été dupe des manœuvres de Holtzkillmuirt. Camille eut un sourire amer. Ils sont tous avec moi, mais ils se sont contentés d'attendre tranquillement mon exécution. Vachement logique, tes copains frontaliers. Edwin eut l'air gêné. Aussi, Camille n'insista pas. « Et la deuxième nouvelle ?» s'enquit-elle. Eléar Ilmorienval a disparu. Elle a effectué un pas sur le côté, ce qui équivaut à des aveux complets. Les commentaires vont bon train dans la citadelle et ils ne plaident pas en sa faveur. Camille se tourna vers Maître Duhaume. « Vous arrivez à la localiser ?»« Non. Les autres sentinelles se sont par contre manifestées. » Elles se désolidarisent des actes d'Eléar Ilmorienval et d'Holtzkillmuirt. Elles en profitent pour louer l'attitude de tes parents, minimiser leurs responsabilités et préciser qu'elles n'ont aucune idée de l'endroit où ils se trouvent. Une position certes lâche et quelque peu écœurante, mais inattaquable. L'information ne découragea pas Camille. Répondre aux questions qui se bousculaient dans son esprit lui permettrait, elle en avait la certitude, de débusquer Eléar Ilmorienval. Quelqu'un l'avait aidé pendant son duel. Qui était assez puissant pour dessiner dans la citadelle? À quelle activité se livrait son mystérieux sauveteur? Elle remarqua soudain la lèvre enflée de Maniel et une ecchymose qui vira au bleu autour de l'œil de Bjorn. Que vous est-il arrivé ? S'inquiéta-t-elle. Les deux colosses échangèrent un regard. Il y a eu un peu d'agitation sur le balcon tout à l'heure, expliqua Bjorn. On nous avait confisqué nos armes, poursuivit Elana. Mais nous n'allions pas assister à ta mort sans rien tenter. Bon nombre de frontaliers vont se réveiller avec un sacré mal de crâne. Quelle folie ! S'exclama Camille. Vous allez vous retrouver avec un tas de duels sur les bras. Ça m'étonnerait, rétorqua Maniel. Ou alors les volontaires devront d'abord affronter Edwin. C'est tout de même lui qui a cogné le plus fort. Le maître d'armes haussa les épaules. Il ne se passera rien, croyez-moi. Les frontaliers nous ont retenus par sens du devoir, mais le cœur n'y était pas. Ils ont touché ce soir aux limites de leur code d'honneur. Nombreux sont ceux qui ont honte de ce qui a failli survenir. Dans la chambre, tout le monde se mit à parler en même temps et Camille éleva la voix pour se faire entendre. « Je trouve dommage de survivre à un duel pour ensuite mourir de faim. »« Excellente remarque !» rugit Bjorn. « À table !»« Mais il fait nuit !» observa Elana. « Peu importe !» s'exclama le chevalier. Et Willan est une héroïne. Elle a envie de manger, il est de notre devoir de lui offrir un festin. Et je suppose que tu vas l'accompagner ? Se moqua Salim. Gagnez, fiston ! Les émotions ouvrent l'appétit et j'ai eu mon compte de coups de sang pour aujourd'hui. Il faut que je m'occupe un peu de mon estomac. En sortant, Camille n'eut aucune difficulté à se glisser près de Salim. Rendez-vous ici, lui murmura-t-elle à l'oreille. Cette nuit, à 1 heure. « Pas de problème, ma vieille !» chuchota-t-il en retour, un large sourire fendant son visage. « C'est reparti comme au bon vieux temps !»